Ok, tout simplement. Je trouve ça bizarre quand même que personne n'ait dit qu'il était là, mais ils étaient peut-être tous perturbés.